que es buque feliz. Tout le monde te compasse, fasse tout qu'on a dit, ou apprendre si ou pas songer. Medun Diallo.